Oh, belle Abidjan métropole, que tu ressembles à Montréal. Abidjan qui a le monopole, comme ton peuple est si loyal. Oh, belle Abidjan métropole, que tu ressembles à Montréal. Abidjan qui a le monopole.